C'est comme ces connards de youtubeurs là qui font des tops en disant ouais, tel truc c'est de la merde. Quand ces gens-là ils passent derrière la caméra, c'est hilarant. C'est hilarant. À chaque fois, c'est hilarant. Est-ce que t'as des noms? J'en ai plein. Moi, j'ai pensé à quelqu'un direct, mais je suis pas sûr. Mais bien sûr, il y en a plusieurs. Il y a Durandal. Ah bah non, ok, d'accord, c'est à lui que j'ai pensé direct aussi. Durandal, déjà, lui, c'est bien son court-métrage. C'est un cauchemar. Ah, mais c'est je l'ai vu. Et j'ai un ami qui est dedans. Coucou. Oh putain, mais faut qu'on fasse un visionnage. Mais je pense à d'autres. D'autres qui sont plus aimés par les gens. Je pense notamment à Benzaï, qui avait fait son long métrage Art Corner, là. Qui était nul à chier. Oh là là là là là là. Je l'avais regardé, d'ailleurs. C'est quoi? On l'avait regardé. C'est vrai, bah moi je l'ai vu aussi, hein. Oh putain, quelle merde. Oh là là là là là là là là. Oh putain de merde. Moi aussi j'en avais, hein. Oh là, mais moi j'ai... J'avais le pull de son personnage de merde, là, Alpha Man, là. Ah, ok. Qui était joué par Bob Lennon, putain de merde. On en parle de Bob Lennon aussi. Pff. Ouais, mais lui, au moins, il s'est pas pris pour un réalisateur, au moins. Il sait que c'est un branleur. C'est vrai, juste un nazi, c'est pas mal. C'est juste un nazi branleur. C'est vrai, c'est tout. Non, mais... Active ton micro, vas-y, comme ça, on parle en étant méchant, là. Vas-y, ouais. On dit des saloperies. On t'entend bien. Active l'enregistrement. On fait un deuxième set de prout. Ça fait beaucoup de prout. En fait, on parlait des... Enfin, j'ai vu un truc où Bryce Dallas Howard avait été nominé pour un Golden Raspberry Awards, et du coup, ça me rappelait à quel point je déteste ces saloperies de cérémonies d'awards parodiques pour se foutre de la gueule des gens. Ouais, c'est je vois pas l'intérêt, en fait. Ouais, c'est ça. Non, en plus ça n'a aucun intérêt. Au moins, récompenser le travail des gens, tu peux voir l'intérêt. Hein, malgré toutes les controverses autour et tout ça. Mais alors, ça, c'est vraiment le niveau zéro du truc. Du coup, ça, Adrien, il a décidé de dire les termes sur les youtubeurs français. Mais parce que tu disais justement, on parlait de ça. Et moi, du coup, dis les termes, vas-y. Du coup, moi, j'ai dit, ouais, c'est comme les youtubeurs français qui font des. Genre, qui font des critiques et tout et qui essaient de faire du cinéma. Moi, ça me fait mourir de rire à chaque fois. C'est hilarant, ils savent pas faire. Ils savent pas comment faire des films. Et je parlais du film de Benzaï, qui est une daube incroyable, qui n'a ni queue ni tête, qui est horrible. Et vraiment... Presque plus de ce qui se passe dedans. C'est un cauchemar. Et pourtant, quand je l'ai vu, je l'aimais bien encore. Hein. Non, mais ouais, c'était pareil. Hein. Mais je me rappelle que ça avait été très très dur à regarder. Je crois que je l'ai même pas vu. Bah... T'inflige pas ça, parce que écoute, vraiment, t'as pas très compliqué, quoi. Ouais. Putain, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah ouais, moi, ceux que... Enfin, en général, ça me faisait marrer, parce qu'il y avait pas mal de trucs à cette époque-là, des gens sur YouTube qui essayaient de faire des trucs un peu plus long format, avec un peu plus d'histoire et tout... Et genre, à chaque fois, c'était genre, ok, bon. Pff, c'est pas pour ça que je regarde à la base, quoi. C'est juste que c'est... Genre, si tu vas le faire, autant que ce soit bien, quoi. c'est vrai. Bah, et puis tu te retrouves à être dans la surenchère tout le temps, parce que tu veux pas faire moins bien, et bah... Et après, t'arrêtes tout, et puis tu vas sur Twitch, et puis tu te rends compte que c'est beaucoup plus... simple de chemin de travail. Tu viens de m'unlock le souvenir du dernier What the Cut qui était un cauchemar aussi, putain. Oh là là là là, il a tellement bien fait d'arrêter ses vidéos de merde lui aussi. Je pense que tout le monde est d'accord. Il a dit qu'il fallait pas les regarder. Ah non, mais moi, c'est pour ça. Moi je suis salé, vous le savez bien, je suis salé encore. Supprime tes putains de vidéos, putain. Mais je crois qu'il y en a presque plus hein, sur sa chaîne. Elles ont été prises par d'autres gens, la plupart. Alors, ça je va. Crois que tous les What the Cut sont toujours sur sa chaîne. Ah, ok. Et okay. Il avait dit, je crois que ça servait à rien qu'il les supprime parce que de toute façon, il bah, n'y a pas d'argent dessus et que les gens essaieraient toujours de tu vois, reposter les vidéos en essayant de les monétiser ou des trucs comme ça. Ah, donc, bah ouais, mais même, je sais pas, juste une question de. En fait, c'est pour que les gens se fassent pas du fric sur la souffrance des gens qui, dont ils se foutent. C'est ça. Ouais, c'est, ouais, je crois que c'est ça qu'il avait dit. Je sais pas si. Moi, j'aurais pas envie d'avoir genre mon compte officiel associé à ça, tu vois. Ah, mais il utilise plus du tout cette chaîne-là. Ouais, mais quand même. Si, l'année dernière, il a sorti une vidéo. Oui, mais. C'était. Ah ouais, il a sorti quoi? Juste un bout de lui en stream. Je crois que c'était un truc de The Event ou un truc comme ça. Je l'ai pas regardé cette année-là, mais. C'était genre. Un truc dans c'était le pas genre. Encore le goal, je fais What the Cut, je sais plus combien. Mais ça, c'était un truc. Mais Ah non, t'inquiète. Je sais que tu l'aimes pas, Adrien, mais Antoine Daniel, il a complètement renié. Eh ben, supprime tes putains de vidéos, putain de merde. Et arrête de streamer avec des nazis. 10 ans plus tard, de toute façon. Arrête de streamer avec des nazis, bordel de merde. Après, on parlera. Attends, lesquels? Bah, tous les connards qui avaient osé des buns, déjà. Attends, je croyais qu'ils les avaient retirés, justement, au dernier. Ouais, enfin, non, au dernier. Ah, si, il y avait une meuf, c'était une vraie facho. Alors, elle n'était pas au Z-Event, tu sais, sur place, machin, avec les potes vraiment de Zerator. Mais elle était dans les streamers qui étaient affiliés, qui étaient chez eux. Ah, mais tu vois, c'est ça aussi que je comprends même pas, c'est que ses potes à lui, là, au Z, ils sont même pas nazis et tout. Pourquoi ils ramènent les nazis quand même à côté? Mais parce que tu comprends pas, Grushkov, ça fait de la thune, soi-disant. Mais allez, c'est même pas. C'est même, t'as vu combien ils ramènent les autres qui sont pas des fachos? Je veux dire, le JDG, ça devrait être maximum rire quand à droite. Il y avait eu Sardoche au Z Event et que. Et que bah il n'avait pas fait un truc de ouf alors qu'il a une communauté hyper grosse. Bah surtout oui, à cette époque-là. Parce que il a une communauté de fils de chien, c'est tout. Tout comme lui. Mais non, mais c'est logique. Non, mais t'avais des mecs qui essayaient de justifier sa présence. Ouais. Non, mais c'est trop drôle. Mais alors Zerator, le premier, ça. Hein. Ça fait des années qu'on lui dit d'arrêter d'inviter ces connards. Mais je sais. Et... Ah, il veut plus l'inviter, Sardoche. Ouais, voilà. Enfin bon, il a continué pendant vachement longtemps quand même. Hein. Mais apparemment, il l'a jamais trop apprécié. En raison. Il l'a juste invité pour le chiffre. Invité quoi. Oh là là. Oh, on peut plus les streamers. Ouais, vraiment, j'en peux plus. Je vais devenir le Joker des streamers. Mais t'es pas déjà le Joker des streamers, ah, peut-être, hein. Si, peut-être. Hein. Vraiment, je pense que je suis trop aigri pour Twitch. Vraiment, je suis désolé. Et moi, ça me fait pas du tout kiffer de parler à un connard qui en a rien à foutre de moi, qui parle qui joue pour des milliers de personnes. Je pense que les chats devraient pas exister sur Twitch. Voilà. Ok, ça, c'est un peu beaucoup. Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait assassiner tous les streamers. Voilà, c'est dit. Alors là, ok, d'accord. Ah, c'est dit. Je pense que la liberté d'expression, en vrai, bon, c'est un peu surfait. Les gens devraient pas avoir le droit de parler, en fait, sauf si c'est moi. Ah, putain de merde. Lisbeth, un Iron Akeli. J'arrive pas à parler. Bref, tu m'as compris. Absolument pas, mais c'est pas grave. Un Ironically, voilà. Ah, d'accord. Non ironiquement. Voilà, c'était plus facile en français, en fait. Ouais, mais oh, c'est bon. Il n'avait pas le mot. Je suis japonais. Ça arrive, je ça m'arrive japonais. Tout le temps. Domo arigato, je suis les filles. Tout se déroule selon le TK. Oh, j'ai la ref. Je sais même pas d'où ça vient, en plus. J'ai la ref. C'est un manga, mais je sais pas lequel. Ah, moi, c'est les youtubeurs qui m'énervent. Ah, mais c'est pareil! Moi, je les connais pareil. Même plus, les youtubeurs maintenant. Et dans mon monde, il n'y en a aucun des deux. Hein. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est aujourd'hui, j'ai vu la tronche de François Teurel. Vous vous souvenez de lui? Oh putain! Oh, le sac à merde! Oh, je sais même pas d'où il est sorti, je sais pas comment. J'ai vu sa tronche, mais je l'ai vu. Et je me suis dit, putain, il existe encore ce mec! C'est un peu l'état de alors, tous les. Il devrait tous plus les exister youtubeurs. Pour le coup! C'était qui? C'était l'autre, là. Le mec qui faisait de la pseudo-science, là, aussi. Qui... Il pensait. Non, bah non, bah, pas lui. Pas lui, c'est lui, tout le monde sait que c'est... Tout le monde le détestait déjà. Il pissait. Il pissait. Non, où est-ce que... C'était qui, l'autre? C'était... Celui que tout le monde trouvait beau gosse, là. Et, ah, mais Dirty Biology. Ouais, voilà. Qui est le pire être humain. Ah, le gros violeur, là. Ouais, non, mais hein? Lui, c'est horrible. Hein. C'est vraiment hardcore. Je sais même plus ce qu'il, ah, qu'il avait fait. Ah, c'est vraiment... groom, tout ce que tu veux, quoi. Ah, ok, ok. Enfin, groom. Plutôt cool, quoi. Love bombing, plus genre... Il fait plus de vidéos, lui? Non, je crois que... Attends, peut-être qu'il refait des vidéos encore. Il a fait une vidéo. Si, il continue de faire des vidéos. Il continue de faire des vidéos. Oh là là. Attends, je vais regarder. Ah, j'avoue, attends, est-ce qu'il a encore des vidéos? Il a 1 million de subs. Et bah, il en a fait une il y a 2 semaines, c'est sûr. Bah yes, trop bien. Ouais. Ouais, ouais, il existe toujours. Bah, non. Bah, du coup, le Fossoyeur, alors, il doit toujours exister aussi. Ah, oui, il existe aussi. Oh, mais vous existiez même pas là quand on avait essayé de contacter, comment il s'appelait Ah oui, oui, bah lui aussi, il y a 2 semaines, il a encore sorti une vidéo. Pour dire super. Que House of the Dragon, c'est chiant. Ah bah c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler de son avis? C'est bien, on est content. Il y a 8 mois, il a fait une grosse vidéo qui de presque 2 heures qui s'appelle « Le cinéma, c'était mieux avant ». Oh là avec, là, je souffle. Avec au premier, enfin comme image principale, Matrix 4. Donc voilà, ça vous donne un peu le... Oh là là, je souffle. Le level. Oh, je souffle. Le level du mec. Oh, je souffle. Faudra interdire le cinéma aux hommes. Oui. Ah oh, oui. Oh là là. C'est vrai. Comme ça, faudra interdire les hommes. C'est trop drôle, tous ces gens. Hein. Au final, c'est ultra chaud que le gars qui a le moins de merde au cul de tous les youtubeurs de l'époque, ça reste le JDG qui était ouvertement de droite. Ouais, c'est vrai, putain de merde. J'ai envie de crever, quoi. Ouais, alors, par contre, Fred, il était hyper asocial, donc il pouvait pas harceler sexuellement des meufs ou autre. Bah, c'est vraiment le cliché du geek qui pêche pas. C'est gentil de penser ça. Ouais, peut-être qu'il y a des dingueries qui vont sortir un jour, tu sais pas. Oh, ouais, c'est bah, vrai. De... Mais je, en vrai, il a pas ces vibes-là parce que ouais. Il a pas l'air intéressé par ce genre de... Je suis étonné qu'il a un fils, déjà. Oui, voilà. Mais... non, mais c'est dingue. Il y avait SLG aussi. Oh, putain, lui. Lui. Mais alors, lui, c'est irregardable. Comment on a pu regarder ça dans notre jeunesse? Je ne comprends mais pas. Mais c'est un truc que tu demandes des fois. Tu dis, alors, attends, je ne regardais pas, donc je suis... Tu regardais, ouais, t'as jamais regardé SLG? Alors, j'avais une pote, elle regardait tout le temps. Ouais. Et pendant, tu sais, la pause entre quoi, elle voulait toujours qu'on regarde ça. Et je regardais ça, mais... Oh, j'avais pas envie. Ah, mais c'est horrible, hein. C'est vraiment... Ma meuf me disait qu'il y avait des fanfics de SLG à une époque. Bien sûr, de lui et Antoine Daniel, beaucoup. Non, mais des personnages de SLG, tu sais. Ah oui, alors, oui, non, bah ça, oui, de ouf. Des trucs vraiment, tu te dis, what the fuck. Les gens étaient dingos, hein. Les gens étaient dingos, hein, pour ces trucs-là, mais... Bah, les gens étaient ados aussi, en vrai, donc bon... Bah ouais. Non, mais c'était tout ado, un truc, hein, c'était... Ouf. Ah bah, SLG, lui, il fait plus de vidéos depuis 2 ans. Tu sais, il avait essayé... Alors, il a un essayé comeback, mais... de revenir sur YouTube. Il y a quoi, et ça s'est foiré. Il a fait un retour avec un collectif en mode « Eh, j'ai monté un collectif, vous allez voir, ça va être trop cool. » Et il a fait une web-série, c'était de la merde à chier. Le collectif, il s'est séparé, genre, 2 mois après. Enfin, ça a été vraiment de la grosse merde. Et le pire, c'est que bon, ça fait quand même des plusieurs centaines de milliers de vues à chaque fois. Mais après, tu remontes et tu vois... Ah oui, ok, SLG, ça faisait des millions de vues. Ok, je vois la différence. Des millions de vues SLG. Ouais. Ouais, 2 millions là, 1 million 3, 3 millions 7, 1 million, 3 millions 5. Ah ouais, c'était un truc. Hein. Moi, j'ai connu lui d'abord. J'ai connu lui avant le truc. Enfin, bon, il y avait JDG d'abord. Hein, c'était le grand gars à l'époque. Enfin, c'est le daron, ouais, c'était le premier de la team là. Mais ça fait des années et des années que j'ai pas regardé un joueur du grenier. Je sais que j'ai des amis qui regardent encore. Mais moi, c'est pareil. Hein. Ouais. J'ai des proches qui regardent et moi, ça me fait plus rire, en fait. Bah, je sais que Félix et Camille regardent. Ouais. Quand ils me disent oh, cet épisode-là, il peut te plaire, je jette un coup d'œil. Bah, c'est pareil, ouais. Ma meuf, elle m'a montré l'épisode de Noël, là. Je sais pas si c'était ce Noël-là ou les Noëls d'avant, j'en sais rien. Oh, je suis désolé, Adrien. Oui, regarde des cassettes de Noël de Leclerc, là. Ça, c'est... Ah oui, je l'ai vu, celui-là. Et en fait, ces cassettes-là, moi, je les avais. Alors, pas celle-ci, ah ouais, précisément, mais j'avais une cassette que je regardais en boucle chez moi. Et genre, mes films préférés, c'était Star Wars et la cassette Leclerc, quoi. C'était vraiment... Non, mais j'étais complètement ravagé. Adrien, son univers cinématographique. Non, c'est ça. C'est entre Star Wars et la cassette Leclerc. C'était vraiment ça, en plus. Et du coup, voilà. Oh, putain. Au final, je crois que le seul, pour l'instant, que je regarde encore en YouTube français, c'est Mister JD. Ouais, moi aussi. Mais elle, tout pareil. Ouais, pareil. C'est le dernier que je regarde en mode genre, bon, lui, il est un peu drôle quand même. Je vais regarder mes souscriptions, oui. Je vais regarder abonnement. Ça. Mes abonnements, merci, putain. C'est vraiment le seul que je regarde aussi. Mais après, il sort une vidéo tous les 10 ans, donc c'est compliqué, quoi. Ah oui, il y avait Confession d'histoire, là, mais bon, a priori, hop. Poubelle. Unsubscribe. Faucon Mignol, c'est quoi ces connards? Oh, les pires. Désabonne-toi direct, en fait. Ginger Force, mais elle en fait plus. Non, elle a arrêté depuis longtemps. Mieux pas elle. Mais hein, je regarde quand elle sort une vie. Ah, j'avoue, mais là aussi, je la regarde, ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, pardon, ouais. Il y en a deux. Tiens, ouais, bah là, ouais. Ah bah en plus, alors, très drôle. Adrien, tu vas me tabasser, mais mes 3 subscriptions abonnements en français sont tous les 3 à la suite les uns des autres. Ah. Ah, il va me casser la gueule. Attends, j'ai pas vu. Ah bah super, génial. Ah, je suis toujours abonné à Sophia aussi, qui faisait un truc de jeux vidéo avant, comment elle s'appelait, je me souviens plus. Ah oui, mais elle bossait pour Arte après. Je sais pas, mais ça fait plus d'un an qu'elle a... Bah, déjà, elle avait tout supprimé de sa chaîne avant. Ouais. Et là, elle a 3 vidéos seulement, et puis c'était il y a plus d'un an. Je sais pas, beaucoup de contenu francophone. C'est Studio TJP, mais c'est pas la même chose. Ouais, voilà, c'est tout. Ah, je suis abonné à Ximnut. Ah, finalement, le meilleur youtubeur qui soit. Ouais. Bon, par contre, il y a 4 ans, ça, son dernier truc. C'est pas grave, moi j'attends son comeback avec impatience. Ouais. Ouais, j'ai trigger warning, article de. Je vais pas donner de détails, hein, mais article horrible sur Ned Gaiman. Fun fact, j'ai lu en diagonale. Hein. J'ai scroll pendant vraiment 5 minutes. À chaque nouveau paragraphe, il y avait une nouvelle dinguerie. Bah, c'est ça, hein. Ça ne s'arrête. J'étais genre, mais attends, mais jamais. C'était déjà assez. Et puis, j'ai vu, j'avais même pas fait un dixième de l'article. Je fais pas de merde. Ah non, mais c'est ça, bah, bravo. J'ai lu un paragraphe en 3 minutes, c'est du bloggy boulga, là. Et c'était horrible. Et je me dis, putain, s'il y a ça ici. Il y a quoi avant et il y a quoi après, quoi. Ouais. Bah, vous aviez peut-être pas vu, mais pas longtemps après la sortie de la saison 2 de Good Omens, il y avait déjà des trucs qui étaient sortis. En été, mais oui, mais là du coup, c'est compilé, il y en a beaucoup plus. Des témoignages à la première personne des gens aussi. Et même avant la saison 2 de Good Omens, parce qu'il y avait eu des bails qui étaient sortis dans un podcast. Mais alors attends, je sais plus si ça c'était vrai ou pas. Parce qu'en fait, genre, la meuf qui avait sorti ça dans un podcast, genre, sans rien donner de détails ou quoi, en gros, c'était genre une meuf complotiste d'extrême droite qui avait, genre, déjà répondu de fausses informations. Et du coup, je crois qu'elle n'avait pas été prise au sérieux. Mais c'est le problème quand tu mens tout le temps. Les gens vont pas le croire. C'est le problème. Ça se trouve, c'est totalement vrai, mais. Ah, mais peut-être. Bah, maintenant, du coup, ça m'étonnerait même pas que ce soit vrai, mais. Mais du coup, voilà. Et putain de merde. Non, c'est vrai que. Ah, Tuki qui était genre content l'année dernière d'être dans. Comment ça s'appelle? Dans Sandman saison 2, ouais, putain. Ah, il est dans Sandman saison 2 ? Ouais, alors ça, c'est un truc dans le background et tout, hein, avec beaucoup de maquillage et tout ça. Ok, mais, ouais. Mais. Bon, au moins, ça va faire payer les factures. Hein. Non, bah ça, c'est sûr, mais la vache. Bah, ma soeur, elle aimait beaucoup Gaiman parce qu'elle était fan de Good Omens et de Sandman. Et quand les premiers trucs sont sortis il y a quelques mois, elle était mais par terre, quoi. C'était. Ouais, bah c'est encore pire. Franchement, elle est encore un peu jeune, je dirais, lui fait pas lire ce genre de merde. Hein. Alors, si tu peux l'en je empêcher. Je pense qu'elle va les voir de toute façon. Parce qu'elle les avait, elle avait déjà vu les bails d'avant. Ah ouais, putain. Et elle a dit. Bah, ça a été, tu sais, son premier, on va dire, milkshake duck. Il faut que j'aille chercher qu'est-ce ça. Qu'est-ce que c'est qu'un milkshake duck, c'est quand tu es fan de quelqu'un parce que la personne a dit des trucs bien et puis bah tu te reprends dans la gueule qu'en fait la personne elle est horrible. Ah putain, je connaissais pas du tout cette expression, je vais l'utiliser maintenant. Ah ouais, à tort okay, et à okay. travers. Et bah c'était son premier parce que Lia était fan de Harry Potter quand elle était petite. Oh putain. Et Mais nous tous, on va pas se mentir. Et ouais, ouais, bah, c'est sûr, hein, à un certain degré, c'est tellement sûr. Grand. Et du coup, bah, la transphobie de Rowling, c'est vraiment arrivé quand ma sœur était petite. Et, oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Et du coup, elle était en mode « Ah, merde !» Tu vois, genre... Parce elle que... avait 3 ans et demi, elle faisait « Oh, merde !» Non, non, mais tu vois, elle s'en oh, merde, est vraiment rendue compte. Cette de terre. Oh, putain, la turf La turf. Elle a appris tout ça quand elle était au collège. Et bah, ma sœur, elle a des potes qui sont trans, tu vois. Donc, elle était en mode. Ah. Du coup, elle est devenue transphobe. Le truc est parti complètement au couille. Oh, mais putain. C'est là où tu vois, genre. En genre 10-15 ans, ça a changé, quoi. Genre, je sais pas toi, Gruche, mais moi, à mon époque, on avait genre. Un mec gay dans tout le lycée qui savait, hein, qui savait. Et genre, c'est tout, quoi. Il y en avait beaucoup d'autres, mais c'était... Moi, j'étais dans un lycée un peu bobo, du coup, il y en avait beaucoup plus. Ah, putain, ok, mais, d'accord. Mais genre, ça restait une petite communauté, mais c'était beaucoup plus ouvert et tout. Il y avait une plus grosse communauté queer et tout putain, dans moi, mon, j'ai l'impression qu'il y avait dans que mon dalle, lycée, mais... ça restait quand même vachement marginal. Donc, mais quand j'ai grandi après, je me suis rendu compte, ah ouais, ok, donc bah oui, les, c'est les ça. Autres endroits, ils étaient pires qu'ici. Déjà, je trouvais ça petit. Mais par contre, niveau transgenre et tout, là, par contre, il n'y avait personne. Hein. En tout cas, personne. Ouais, voilà, ouvert. C'est vrai. Ouais. Ouais, moi non plus, à l'époque, que je sache, il n'y avait personne. Et je suis en train de me dire, le seul mec gay que... Moi, je savais, gay, c'est un putain de raciste. Donc, super. Ah bah, c'est Florian Philippot. Vraiment, voilà. Vraiment, on ne lui souhaite pas une bonne journée, vraiment. Ah non, moi, en plus, moi, le celui qui était le représentant gay au lycée, en plus, il était racisé. Alors, lui, ah ouais, il cochait toutes les cases. Ah bah, le pauvre. Attends. Moi, j'étais en L. Et je crois que la seule personne qui était out, c'était moi. Oh putain. Ah, t'étais déjà out à l'époque. Bah. Incroyable. J'avais pas moi, de label. Moi, je l'étais pas, mais tout le monde disait que j'étais gay, alors. Mais clairement, j'étais pas hétéro. vraiment, m'a dit lesbienne before it was cool. Quoi. Ah, bah, c'est clair. Before she was born, man. Before she was born. Non, mais le pire, c'est que j'avais des camarades de classe qui m'avaient posé la question et j'étais. C'est écrit sur mon front ou un truc comme ça. Et c'est marrant, c'est que j'ai des camarades, quand ils l'ont appris, tu sais, ils m'ont regardé un peu bizarre, tu vois. Et maintenant, il y en a, c'est, ils sont queer aussi, donc. Bah voilà. Mais oui, mais c'est pareil. Est-ce que je dis genre qu'il y avait un mec gay? Non, non. La vérité, c'est qu'il y avait beaucoup plus de queer que ça, mais qu'à l'époque, les gens. C'était différent. On n'assumait pas, quoi. Non, bah ça, voilà, c'est ça. T'avais genre. Nous, on avait le couple de lesbiennes. Genre, ah, nous aussi, putain, j'avais oublié ça. Il y en avait trois, j'avais et oublié. Puis elles se switchaient de couple de temps en temps, tu vois. Genre, il y avait un break-up, il y en a deux qui se mettaient ensemble, hop là, break-up, deux qui se mettent ensemble en nouveau. Ah, c'est ouais, typical lesbienne, du coup. Ah, ça, c'est... ah, ben, bah, ça... Et ça, c'était le truc... C'est là où j'ai... c'était, pour le coup, ça, c'était au collège, et c'était la première fois où j'étais... Oh! Nice! Je me suis pas posé plus de questions que ça. Il était genre, yeah, I get it. Alors, je me rappelle un coup, on regardait le Dracula de Coppola en leuleu. Et je me rappelle, on voit Winona Ryder et je fais un oh! Et il y a la prof qui s'est retournée. Mais vraiment, tu vois, le I know what you are. Ah, vraiment. Non, mais le pire, c'est qu'elle nous avait donné à lire Carmilla, je sais pas si vous connaissez. Non. Bon, attends, je me souviens, mais je sais plus ce que c'est. C'est une histoire de vampire lesbienne. Elle l'a fait pour toi, 100%. Et du coup, ça me faisait trop rire quand j'y pense. J'avais vu ça. Je l'ai jamais lu, pour le coup. Mais je connais ça, j'en avais entendu parler. Bah, c'est sympa. Bah, c'est pas, tu sais, c'est pas... comment dire? Comme je disais à ma sœur, je fais, c'est pas pour ta génération, parce que c'est pas... c'est du sous-texte, quoi. C'est pas du... premier degré. Pourquoi sa génération, ils ont besoin de surtexte? Alors, non, mais tu rigoles, mais la génération de Lily, ils savent pas lire au-delà du premier degré. Putain, mais ça, c'est ceux qui sont censés apprendre. Est-ce que c'est pas... Non, non, est-ce que c'est pas juste nous qui sommes des vieux cons et... Non, non, hein, ma sœur, elle lit beaucoup. Ouais, c'est vrai. Est-ce que nous, on n'est pas un peu l'exception? Je veux dire, regarde la plongée. Il m'a envoyé d'autres trucs en MP, Toto. Et ils sont débiles. Oh! Oh la vache. Eh, je suis désolé pour tous les gens qui... Comme Line, qu'on adore et tout. Qui sont dans... Putain, je dis ça comme si on était en train de s'enregistrer. C'est vrai que moi, je m'enregistre, mais je sais pas vous. Ouais, moi aussi. Moi, je m'enregistre aussi. Putain, je suis désolé pour les gens qui doivent se taper tous les débiles de... Bip de censure. Ouais, Toto m'a envoyé des screens aussi. C'est ouais, toi aussi, vache. Merveilleux. Ah ouais, parce qu'on en parlait avant qu'il les poste sur le Discord, justement. Et c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Mais... Ouais, les gens n'ont aucune médialité raciste, mais est-ce que c'est les jeunes principalement? Je pense pas. Hein. Non, ça doit pas être que les jeunes, mais ma sœur, elle me disait que quand ils sont en français et qu'ils analysent des œuvres, ouais. C'est compliqué, quoi. En vrai, moi, si je me souviens, dans ma classe en terminale, des fois, ils sortaient des dingueries. J'étais même pas... Genre, moi, je travaillais pas, donc j'étais vraiment milieu de la moi, classe. Moi, j'étais un branleur. En termes de notes. Mais par contre, plus les gens avaient des notes hautes, plus ils disaient des trucs dingues. Genre, il y avait littéralement les deux filles qui avaient les meilleures notes de la classe. À chaque fois, en histoire géo ou en philosophie et tout, ils sortaient des trucs. Ils disaient, mais est-ce que t'as... Être quoi dans la tête? Qu'est-ce que tu racontes? Oh putain. J'étais... Je me souviens. Et en plus, je faisais partie du journal du lycée à l'époque. Et j'ai... Des fois, on se partageait des trucs comme ça que les camarades disaient. C'était toujours. Oh. Donc, en vrai, je pense que ça a toujours été le cas. Mais maintenant, on a plus le recul pour vraiment se rendre compte à quel point c'est compliqué. Ouais. Ah, moi, j'en ai dit des dingues. Hein. On travaillait sur un cursin. Pareil. Hein. Et j'ai fait tout un commentaire sur Félicité, c'est une fille du cœur christique. Ah, ça, ça me prend rien. Eh, c'est pas moi. Et je me suis tapé une super note. Et le prof, tu sais, c'est vraiment le prof de gauche, athée, des trucs comme ça. Je l'ai vu, il m'a rendu ma copie en mode c'est bien, mais bon, voilà quoi. Ouais, mais nous pour de vrai, c'est même pas une histoire d'être partisan ou quoi, mais quand les profs étaient de gauche ouvertement, tu le sentais et les cours étaient vachement plus fun en général. C'est vrai. Nous, on avait une prof en première et terminale. Notre prof, elle était coco, elle allait à des concerts punk et tout. putain, elle fumait des joints avec des élèves des fois. Bon. Oui, quand même. Je sais pas si on cautionne, mais bon, de toute façon, ils fumaient des joints, les élèves, donc elles venaient participer. Mais c'était trop bien, quoi. Et ces cours étaient fantastiques. Vraiment. Ah bon. C'est les meilleurs profs, ouais. Là. Mon ancienne prof de SES. Donc, elle est super à gauche aussi. Et quand il y avait les manifs contre la réforme des retraites, je la croisais et on chantait l'International pendant la manif. C'est comme aux États-Unis, ils chantent l'hymne. Ben voilà, de cette l'International. Et ma sœur, elle l'a cette année. Et, oh la vache! Incroyable. Et du coup, je lui fais. Mais tu sais que. Donc, la prof, elle va en manif et elle chante l'International. Et elle me fait non! Je fais si! Elle me fait ça se voit pas trop en cours, quoi. Et je lui fais, bah écoute, tu fredonneras l'International la prochaine fois et tu verras. Moi, j'ai croisé un élève à moi ce week-end avant un spectacle queer. Ce week-end? Ouais, ce week-end. Du coup, j'ai été voir, je fais... Vous ici. Et du coup, on a parlé. Oh putain, le truc de prof. Ma mère, elle disait ça aussi. C'est vrai, à ses élèves je chiale. Oh, c'est terrible. Oh, c'est le truc de vieux, Adrien, il est officiellement... Oh, la vache, c'est terrible. Attends, c'est quoi, c'est 29 ans, là, à la fin du mois? C'est pas 49? 29 ans dans 15 jours. Ouais. Ouais. Putain. Oh le vieux. Ah, incroyable. Non mais en vrai c'est drôle et je pense que cet étudiant fait partie des étudiants qui ont capté que j'étais de gauche et du coup cet étudiant fait partie d'une asso de genre de drag queen et drag king et du coup m'a invité à un show dans 2 semaines, donc ça va être rigolo. Ouais, c'est sympa. Trop bien. C'est vraiment faut lui dire que il pourra pas gratter des points supplémentaires comme ça, hein. Non, de toute façon je suis pas le seul à le noter, donc oui, c'est vrai. Ouais. mais c'est rigolo, voilà. Je pense que j'arrive à montrer à mes étudiants que je suis cool. Et a priori, ils m'aiment bien, donc voilà. How do you do, fellow kids? Non, mais c'est ça, mais littéralement, des fois, je me dis, putain, c'est vraiment... c'est comme l'autre jour. Je passe voir les groupes, donc c'est des groupes qui bossent en autonomie. Et moi, je passais voir au fur et à mesure des heures pour leur demander comment ça va, est-ce qu'ils avancent bien, est-ce que le projet fonctionne et tout ça. Et du coup, à la fin des groupes, j'ai le malheur de dire, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Et je me suis rappelé au moment où j'ai dit, je suis putain, mais c'est la phrase de Squeezie, ça. Et du coup, ils étaient morts de rire. Et du coup, genre, voilà, je pense que j'ai, Je suis pas encore le prof trop ringard qui connaît pas les refs. Mais tu leur as dit, par contre, désolé, je déteste ce coup-ci. Je n'aurais pas dit, mais du coup, au prochain groupe que j'ai été de voir, j'ai terminé par « Est-ce que c'est OK pour vous ?» Et du coup, il s'était mort de rire. Ah, trop bien. Tu vois, tu arrêtes pas de bosser, mais au moins, tu t'amuses un petit peu, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu fun. En ce moment, à mon avis, c'est un peu fun. Ça sera beaucoup moins dans quelques semaines, quand il faudra faire des dossiers administratifs, tout là, ça. Tu vas être dans un gros moment, rush. Ça ouais, ça, là, ça va. C'est encore, j'ai encore 10 jours où je peux encore, respirer. C'est bien. Bah, profite. Ouais, je pense. Oh là là là, c'est terrible. Ok. Alors, mes petits choux, on va faire les proutes. Ah ouais, il est temps de bosser. L'épisode, on l'a vu là, il y a trois ans. Là. Ouais, moi, je me rappelle plus de l'épisode du tout. Je vous résiste plus parce que... D'ailleurs, petit, je sais pas si tu comptes monter ça et le mettre quelque part à un moment donné sur Internet, mais petit big up à Toto qui me prête son compte Disney+. Et oui, en plus d'être notre Patreon. Voilà, c'est ça. C'est le trou MVP. Toto, c'est vraiment genre notre mécène. C'est le shareholder, ouais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment notre Bob Iger. Oh, je croyais que c'était Bob Chloé. Ah putain, c'est vrai, on a... Non, c'est Bob Toto et Bob Chloé, c'est... attends. Petit. Dans ce cas, c'est notre Kathleen Kennedy. Non, même pas, parce qu'il donne la thune. C'est notre... Non, mais je vais qui l'appeler... Qui donne la thune? Je vais l'appeler Bob Toto. Bob Toto. C'est Bob Toto. Petit big up à Toto qui vraiment me sauve la vie parce que je n'ai plus de compte Disney+, parce que sachez que je partage un compte Canal+ avec une amie à moi qui du coup a dans le compte Canal+, vous savez, c'est le panel où t'as Canal+, t'as Disney+, t'as Paramount+, t'as toutes les plateformes du monde qui existent. Du coup, c'est très très bien ça. Oh, sauf ouais. Que, problème étant que Disney a rompu le partenariat avec ça. Ah, les bâtards. Ah. Et du coup, d'un jour à l'autre, pouf, plus de compte Disney+. Dégueulasse. Le groupe a Bolloré. Dégueulasse. Ça me dégoûte. Est-ce qu'il t'a fait un compte pour toi aussi? Oui. Un petit profil, tu veux dire, ouais. Ouais. Ouais, il m'a dit vas-y, fais-toi un profil et tout. Donc il y a vraiment, je vous dis tout de suite, voilà, je spoil. Sur le compte Disney+, il y a. Genre. Non. Lui. Son frère. sa mère, je crois. Peut-être sa soeur, sa compagne, j'en sais rien. Et moi. Vraiment, je me rappelle pas lui. Et Anthony, c'est qui Adrien sur Disney+? Non, t'inquiète. Heureusement que c'est Adrien et pas... Ah non, j'ai pas écrit Gagacha, ça n'est pas... Non, il est on pas aurait été avait... que tous les deux, je l'aurais fait, il aurait été mort de rire, mais là, il y a du monde sur le Disney+. Non, quand non, on non. avait Disney+, avec Tuki, on avait partagé avec sa sœur... Il y avait moi aussi, je crois. Il y avait Matt, et toi, on t'avait fait un compte c'est petit vrai. Personnage. C'est vrai que c'était le petit personnage, c'est vrai. Est vraiment parasite depuis 2019, le gars. Mais en vrai, pourquoi pas. Je dirais... Bah, surtout que là, ils vont bientôt arrêter leur tu sais, maintenant, ouais. Bientôt, tu pourras plus aller sur le compte de chez quelqu'un, tu vois. Mm-hmm. Mais on vous invite, évidemment, et en plus, c'est dans le sujet, à devenir des pirates dans la vraie bien vie. Bien sûr. Non, mais ne payez pas si c'est ça. Possible. Moi, je sais que c'est pratique parce que, bah, comme on fait un podcast, d'avoir les trucs rapidement, bonne qualité, c'est pratique. Mais sinon, n'achetez surtout pas un abonnement à Disney+. Ouais. T'as compris, Maddy? Maddy, elle est partie. Maintenant, je suis là, je vous écoute. Mais tu m'as pas répondu. Ah, oui. Ah, c'est à moi que tu poses la question. Bah, en fait, quand j'ai dit Maddy, eh ben non, mais c'est normal, on n'arrête pas de parler. Vas-y, répète la question pour moi. Non, j'ai oublié. Hein. J'ai dit, t'as compris, m'a dit, par rapport au fait de pas payer pour les plateformes de streaming. Ah, moi, je paye plus de plateformes de streaming. J'en ai même jamais payé à part des plus. Ok, on fait les proutes. On a oublié de faire les proutes. Ah ouais, les proutes. Est-ce que vous êtes ready? Vous avez déjà mangé des deep dish pizza ou pas? C'est quoi? Non. Tu sais, les pizzas de Chicago, là, les vachement profondes. Ouais, ça ressemble à ça, une deep dish pizza. Et tu qu'il a envie de violence comme ça. Oui, c'est vraiment du chili con carne dans de la pâte, en fait. Ben non, parce que je sais pas forcément de la viande dedans, mais... Non, mais on dirait une tourte au fromage, quoi. Moi, je suis pas contre, hein, non plus. Ben moi, je trouve que la pâte a l'air dégueulasse. Mais en fait, c'est ça, le truc, c'est genre, c'est une tarte, en fait. Bah ouais, c'est ça, mais l'intérieur a l'air d'être vraiment bon, en fait. Mais l'extérieur, on dirait juste un vieux pain tout pourri. L'intérieur, on dirait juste du fromage et de la sauce tomate, hein. Bah ouais, ça me va, hein. Franchement, c'est... Un homme, comment tu le nourris? Voilà. Du fromage et de la viande et de la sauce tomate. Moi, ça me va. On n'est pas obligé d'attendre Tuki pour faire les proutes. Attendez, je lance l'enregistrement. Vu qu'on est sur le même truc avec... C'est parti pour faire des proutes. Ouais, faisons les proutes, là. Au fait, Gauchkov, il m'a dit de te demander, mais j'ai pas osé. Est-ce que tu es libre pour le bal de fin d'année? Alors, on m'a déjà demandé, en fait. Ah, ok. Très bien. Bah, on se voit au lycée. Salut. Ouais. À lundi. Je savais pas quoi faire. D'ailleurs, ça vous a pas genre marqué quand vous avez commencé à parler anglais et tout, et quand vous vous êtes rendu compte que genre prom c'était bal de fin d'année, enfin, plutôt l'inverse, genre, parce que tout le temps dans les films et tout, je regardais beaucoup de films quand j'étais jeune, à chaque fois ils disaient bal de fin d'année et tout, et je me disais mais c'est gaze un bal de fin d'année, tu vois. C'est gaze. Qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, genre, c'est prom. Et c'est vraiment, mais une institution, c'est ça, les proms. C'est ouais, mais c'est pas ici. C'est un truc de fou. Il y a des parents qui ont essayé d'en faire une avec des maternelles. Ouais, mais une petite boum, genre un petit goûter, quoi. Il y avait ça dans mon lycée, à Saint-Lô. Vous aviez une boum, genre. En maternelle. Non, on avait un bal de fin d'année. Non, c'était pas la maternelle, je suis con. C'était pour le... c'est l'équivalent CM2, mais genre... Mais ils ont voulu faire un yearbook et tout. Va, tu te rappelles quand on était en CM2 pas 10 ans. Mais non, mais c'est ça. Ouais, calmez-vous. Vous allez même plus vous parler dans quelques années. Quelques mois, ouais. Dans quelques semaines. Quelques jours. Et t'avais un prom, toi, Maddy, quand t'étais à l'école, pas au lycée? Ouais, au lycée, on en a eu un. C'était... Ah, putain, c'était chigégaise. C'est vrai, ouais, non, mais nous aussi, hein. C'était de la merde. Quoi? On en avait eu un quand j'étais en première, mais il n'y en avait pas une des autres, t'inquiète pas. Ah bah non, on en avait un, donc on avait la soirée des premières, ça s'appelle, en décembre quand t'es en première, et il y a le bal de fin d'année quand t'es en terminale. Putain! Mais vraiment, c'est gaze, hein, parce que déjà, le mec qu'ils avaient été chercher pour faire la musique, c'était nul à chier! Mais la musique, vraiment pas fun, quoi. Vraiment, tu vois, c'était de la musette, c'était random bebop, tu vois, c'était bienvenue au bal musette. Ah, mais même pas, tu vois, le bal musette, ça aurait été rigolo, là c'était du random boom boom, c'était pas intéressant. C'est simple, tout le monde était dehors en train de fumer dans la cour en attendant que ça se finisse. Ça, c'est juste le lycée, ça, en général. Ah si, c'était juste marrant, il y avait les profs qui étaient là, donc... Ah, il y a Tuk-Tuk, attendez, je vais mettre son micro. Bonsoir, Tuk-Tuk. Et toi, t'as été au prom? Au quoi? Balle de fer, Tiki qui est trop fatigué pour capter le prom. Ça existe pas en France. Bah si. Ah, voilà, on est d'accord. Bah si, ça existait bah, chez moi. Elle m'a dit ça. A priori, ça si, ça existait chez d'autres gens, mais. Eh ben non. Il y avait des petites fêtes de trucs, mais pas le vrai prom avec. Ouais, genre, faut demander à quelqu'un de t'accompagner, faut trouver un. Comment ils appellent ça ? Prom date ? Ouais, prom date, ouais. Moi, mon préféré, c'est prom software. J'étais en école privée catho, tu crois qu'ils avaient des proms? T'as dit quoi, Tuki? J'étais en école privée catho. Ah, merde. Ceci dit, ma dernière année de lycée, j'étais en public. Mais il n'y avait pas de prom. Et t'as fait tout le reste en catho? Oui. Oh, la vache, t'as dû en chier, putain. Non, franchement, ça allait. En école primaire, il y avait catéchisme obligatoire, donc c'était chiant à crever. Mais c'était surtout du coloriage. Donc. Dessine Jésus sur la et croix. Après, ouais, c'est ça. C'est trop ça, colorie Jésus. Est-ce colorie, que tu colories les taches de sang qui sortent de ses mains ou pas sent. Du tout Je veux dire, c'est un choix d'autiste. Ah bah oui. Mais collège-lycée, il y avait rien par rapport à la religion particulièrement, donc... Juste, il y avait une chapelle dans l'école, mais c'est tout. Putain, mais ça, c'est terrible qu'on laisse faire ça, quoi. Non, mais je suis désolé. Moi, je suis contre les écoles privées, voilà, je te dis. Ah, mais complètement. Mon fer de lance. Mais les écoles publiques autour étaient... En Bretagne, à Côte d'Armor, là où j'étais, étaient vraiment... Mauvaise réputation et trucs comme ça. Donc ma mère, elle était en mode je vais raquer, mais vous allez aller dans le privé. En même temps, la Bretagne, c'est le bastion des écoles privées catholiques. Et bah voilà. Et bah, je crois que ma mais surtout les Côtes d'Armor, là. Ma belle-sœur, elle voudra mettre mon neveu en école privée, ça me fend le cœur, putain. Ah bah. Après, ça reste une école comme une autre. Hein. Ils sont en Bretagne. On a des ouais, HH, mais ça reste privé, quoi. Bah, ce qui est juste chiant, c'est le côté religieux. Quoi. C'est la différence avec les publics. Quand c'est la sœur, la nonne, là, qui te fait les cours. Hein. Bah non, il n'y avait pas de truc... Si, tu l'as juste effacé de ta mémoire. Je sais mieux que toi. Une fois, tu sais, il y avait au lycée, tu avais les journées d'orientation où tu as des gens, des professionnels qui venaient discuter, puis tu pouvais aller les rencontrer, demander, poser des questions sur leur boulot et tout. Et il y a un prêtre qui était venu et il a passé tout le temps où on était avec lui à bâcher le pape et l'église. Bah putain. Il était trop vénère. C'est tous des misogynes. Il n'y a qu'une raison que les femmes, elles peuvent pas être pape. Eh ben, paye un peu quand même. Et à mon avis, il a eu des problèmes lui depuis. Hein. Il était en mode, moi le pape, j'aimerais bien qu'il passe un an dans mon petit village là, avec nos ressources et tout, et puis on verra comment il s'en sort. Ah putain, c'était à l'époque où c'était Benoît XVI en plus. Ah bah ouais. Ouais. C'était en quelle année? 2009. Ouais, Benoît XVI. 2009. Ouais, c'était récent en plus, non? Ouais, je crois qu'il est arrivé en 2008, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc ah non, même pas avant. Attends. Parce qu'il est arrivé en 98. Il est mort en 98. Jean-Paul II, je crois. Jean-Paul II? Non, il est mort quand j'étais au collège. Oui, ah bah, il est mort en 2000. Bah, pourquoi j'ai 98 dans la tête avec un pape? La Coupe du Monde, bah, c'est la Coupe du Monde. Il a commencé en 98 et il est mort en 2008, un truc comme ça. Je pense que c'est plus important, en vrai. Il est mort en 2005, Jean-Paul II. Ouais, quand on était au collège. Putain, la vache. Oh, je me rappelle, mon arrière-grand-mère, elle pleurait. C'est vrai. Elle avait une photo de lui chez elle. Hilarant. Ah, c'était une sacrée grenouille de bénitier, mon arrière-grand-mère. Ah, mais oui, tu m'avais dit, même une fois, elle te faisait des cours de... Genre en sous-sous, mais ta mère, elle a pété un plomb, c'est ça? Ouais, ma mère a pété un plomb, elle a engueulé et tout. Bah ouais, en même temps, putain. Putain, quoi, mais baptiser son gosse en 2025, c'est quoi cette histoire? Tu waterboardes ton enfant avec de l'eau qui est jamais nettoyée. Non, mais en plus de ça, c'est un baptême. Alors ça va, tu vois, C'est moins grave, c'est genre un baptême, genre pas catholique, mais orthodoxe. Donc, mais ça reste un baptême du feu. Ça reste un baptême du feu. Ça reste un baptême, tu vois, ça m'emmerde. Mais je vais arriver dans l'église, je vais combustion spontanée, brûler. Je vais prendre feu direct. Faut déjà que t'arrives dans l'église parce que c'est peut-être pas accessible. Ouais, mais non, mais moi ouais. J'espère tellement qu'il sera pas accessible. Pas accessible. Putain. Oh zut, je dois rester. Oh merde. Oupsie. Oh merde. Ma grand-mère, à chaque fois qu'elle allait dans les églises, elle passait son temps à avoir des fous rires parce que tout la faisait rire. Quand j'ai fait ma profession de foi, le prêtre, il arrêtait pas de faire des blagues. Et ma grand-mère, elle passait tout son temps à se marrer. Alors tu sais, t'avais tout le monde qui était silencieux et sérieux. Et ma grand-mère, elle était contente. Mais la messe le dimanche matin, à l'enfer. Ah, t'as gagné la messe le dimanche matin, toi ? Bah oui, quand j'ai fait ma communion, ma petite communion, ma grande communion et ma procession de foi, donc t'es obligé d'aller un certain nombre de fois à la messe d'affilée pour avoir le droit de la faire. T'as fait ta profession de foi, mon pauvre. Bah, mais je l'ai fait parce aussi. Que ma famille donnait du fric quand tu faisais ta profession de foi. Smart. Genre le vieil oncle célibataire qui s'est jamais marié de sa vie, qui vivait dans une toute petite maison paumée en campagne, super radin et tout, il a raqué 60 balles hein, pour ma profession de foi. Il est venu, il m'a donné les billets, j'étais parfait. Je suis riche. Puis il payait le gros restaurant et tout, il a payé le restaurant un peu de luxe. Oh, qui s'est fait ralasse. Parfait. Et alors, du coup, mon hack pour. Vous êtes marié à l'église ou pas ? Non. je suis pas pour les religions ou quoi que ce soit. Mais oui, d'ailleurs, vous comme êtes j'ai dit, ouais, moi, vous j'ai êtes juste fait ça pour le fric. Pardon, mais on est d'accord, vous êtes, on est tous athées ici. Oh oui. Oui. Enfin. Bah non, pas mal. Moi, je prends la sainte religieuse. J'allais dire, ma vie, elle fait partie du lesbien. Ma religion, c'est le lesbien. La sainte milf. Mais ouais, les dimanches, c'était le pire jour pour moi quand j'étais enfant. Et des fois, j'ai encore des triggers le dimanche parce que, du coup, dimanche matin, c'était messe et c'était long et chiant. Et après, on allait manger chez mes grands-parents et c'était, tu sais, les repas de famille qui étaient 4 heures. Que tu finis de manger à 5 heures. Et après, ouais, et après, on te forçait à aller faire une promenade, là, une marche à pied. Et après, on rentrait à la maison, il était déjà 6h, 6h30. C'était l'heure d'aller prendre ton bain et d'aller te coucher. Repas du soir et tout ça, ouais. C'est genre, j'ai des devoirs à faire en fait. Hein. Putain, mais quel enfer. Et le soir, on te mettait devant le dessin animé avec le panda qui se fait taper sur la gueule. Ah non, pas le soir. Une journée, vraiment, tes journées d'enfance. Pas la télé le soir, surtout pas le dimanche. Pas quand il y avait école. Tuki, quand il voit le jour du Seigneur, maintenant, il a des PTSD. Faudrait trouver la liste très courte des trucs qui me donnent. J'avoue, putain. Je suis allée dehors avec les enfants aujourd'hui et il y avait tellement de monde. J'étais. Ok, on va faire deep breathing. On va faire de la méditation. L'enfer. Ouais, c'est pas facile quand il y a du monde, j'aime pas non plus. Ouais. Ben, en plus, toi, ça doit être chiant avec ta mobilité. Ah, c'est un enfer. Tout le temps peur d'écraser tout le monde. Ah, oh, bah, tu devrais pas. Ah, ok. Moi, ça me... Ouais, c'est ça. Je pensais au fait que les gens, ils sont pas respectueux. Ils ont tendance à pousser ce genre de trucs. Les deux, mais tu vois, si je voulais, enfin, j'avance, tu vois. Mais non, parce que j'écrase des gens, ça fait des histoires. Bah. Je finis au poste, encore. C'est la 5e fois cette année, j'en peux plus. Putain, je vois les flics toutes les semaines. Ils se disent, c'est encore monsieur Débar qui passe. Bon, est-ce qu'on commencerait-il pas là ? Ouais, let's go, Prout. 3, 2, 1, Prout. La Proutasse Bananas. Ok. Ok, let's go. Ok, let's go. Je sais même plus si j'avais fait un générique pour cette série là, je suis même pas sûr. Je crois pas. Je trouve que FF7 Remake et Rebirth et tout ça, c'est à mes yeux les remakes qui ont le plus de sens d'exister. Ever, parce que en fait, c'est pas juste un upscaling 4K avec des meilleurs graphismes. Ah ouais, mais je déteste les trucs qui sont comme ça. Ah, mais alors, putain, et tu sais, vous savez à quel point j'aime Metal Gear Solid. Vraiment, c'est la saga avec laquelle j'ai grandi. C'est des chefs-d'œuvre, ces jeux-là. Mais aucun intérêt, MGS3 Delta, aucun intérêt, c'est le même jeu. C'est le même jeu. Si tu m'avais fait, ouais, je sais pas, c'est littéralement le même. Un gameplay différent, une map différente, des personnages différents, tout ce que tu veux, ça aurait eu un sens. Là, vraiment, ça n'a pas de sens du tout de jouer à ça. Autant jouer à l'ancien. Mm-hmm. Non, bah c'est sûr. Hein, je déteste quand ils disent remake. En fait, c'est juste upscale. Genre, ok, et tu vas quand même le... Même le Oblivion, il n'y a pas longtemps, ça, en termes de remake, c'est sûr que ça a un peu plus de mérite que la plupart des autres qui s'appellent comme ça. Mais même ça, c'est genre... Ok, c'est basiquement le même jeu de toute façon, avec des graphismes différents. Mais c'est le même jeu, c'est limite les mêmes animations, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ils ont quand même refait quelques lignes de dialogue. Ce qui est très drôle, c'est que ils ont refait les lignes de dialogue, mais ils ont aussi refait les erreurs dans les lignes de dialogue. Et ça, c'est vrai. Je sais pas si j'aime bien ou si je trouve ça poussif. Je sais pas ce que je veux dire. Dans le sens où... ok, d'accord, vous connaissez les mêmes, c'est bien. Mais le truc, par exemple, de Oblivion, la magie du jeu original, elle est toujours dans le jeu original. Bah, c'est ça. La magie, c'est que le truc était janky as fuck. Bah, oui. Et le remake, aucun il sens. A pas ça, et il apporte rien de spécial en plus. Alors que, justement, comme tu dis, entre le FF7 original et les remakes... C'est plus les mêmes jeux. C'est le jour et la nuit, c'est vraiment des nouveaux jeux, avec les mêmes personnages et globalement la même histoire, et encore. Et du coup, les deux sont limite des entités différentes, c'est limite des, genre un multivers sur le de la même franchise. Oui, c'est ça. Et c'est des jeux qui peuvent vivre sur leur propre mérite, ce qui n'est pas le cas de 75, non plus, 90% des jeux qui se disent remake. C'est triste. Non, mais c'est vraiment chaud parce que... C'est Last of Us. Bah non, mais alors ça c'est vraiment... Mais eux, ils font ça tout le temps. Le niveau zéro du remake, ça. Hein. C'est vraiment juste un upscaling... Ils le font à chaque génération, c'est complètement fou. C'est un truc de fou, vraiment. Mais... Et toujours au prix de base. Hein, ouais, bah, bien sûr, pas... bien sûr. Mais je sais pas, genre... Tu vois, j'aime beaucoup Silent Hill 2. Vraiment, j'adore ce jeu, j'ai découvert dans mon adolescence, c'était trop bien. Et j'y ai joué, le jeu était déjà vu, hein. Le jeu avait déjà une bonne dizaine d'années, tu vois. Et en fait, so what, le jeu était jouable, c'était trop bien, c'était cool, et voilà. En fait, genre, ressortez-moi Silent Hill 2 Vanilla sur Steam, j'aurais limite préféré acheter ça que d'acheter le remake, ça n'a aucun intérêt. Un jeu, ça s'inscrit dans un contexte. Et en fait, un jeu, ça t'en dit sur l'époque. Enfin, ça t'en dit beaucoup sur l'époque, ça t'en dit beaucoup sur le contexte de production, ça t'en dit beaucoup sur l'histoire même du jeu vidéo, l'histoire avec un grand H, tu vois. Et là, ça n'a aucun intérêt. C'est exactement, voilà, je vais le dire, c'est exactement comme le fait de coloriser des vieux films. Oh, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt à part habituer les jeunes à une image sensiblement tout le temps la même qui ne dit plus rien sur son époque. Un truc que je connaissais et que je savais pas du tout justement avant de me mettre dans les comics là, c'est que c'est pareil pour les colorisations. Selon l'édition que t'achètes, ils peuvent recoloriser complètement le truc. Mais c'est pas la vraie, c'est pas fait à la base. C'est quoi l'intérêt? Bah c'est ça, c'est pas pensé comme ça à la base. Il y a des œuvres, genre je savais pas, V pour Vendetta par exemple, c'est censé être en noir et blanc. Mais maintenant ils l'éditent avec des couleurs, alors que c'était pas comme ça qu'il était fait à la base. Il n'a pas été pensé comme ça, ouais. Ouais, bah ouais. C'est chelou. Et genre, et oui, il fonctionne avec des couleurs, ok, très bien, mais c'est pas genre la vision des artistes qui l'ont fait au départ. C'est bien pour ça que à chaque fois ils créditent auteurs ceux qui font les dessins et les personnes qui font les couleurs, parce que bah c'est un travail de groupe, tu vois. Ouais. Et apparemment, voilà, il y a des trucs qui changent selon les éditions. J'ai trouvé ça complètement fou. Et c'est exactement pareil que le upscaling de mes deux. Tiens, Arkham, j'ai découvert récemment que il y avait eu des remasters qui s'appellent Return to Arkham des deux premiers. Et ça fait beaucoup de controverses parce que le premier Arkham Asylum. Il a une ambiance bien particulière et tout. La lune est verte et tout ça. Et bah dans le remaster, parce qu'ils ont fait de l'upscaling et tout ça, ils ont changé la lumière et tout ça. La teinte verte et tout, la patte graphique du jeu original, elle est complètement perdue. Genre, ok, les textures sont un peu mieux. Le gameplay change pas. C'est quoi l'intérêt? Non, mais imaginez, c'est comme si on prenait un film et qu'on remplaçait les éléments faits en effets spéciaux par de la 3D. George Lucas. Non, mais tu vois, je sais pas. Mais ça, c'est l'artiste lui-même qui le fait. Oui, c'est vrai, c'est lui qui a. Ouais. C'est ça. Même, oui. Si, du coup. Il est pas tout seul, c'est ça aussi le truc. Quand tu fais un film, t'es pas tout seul, t'as toute une équipe avec toi, et c'est aussi pas respectueux de dire bon, bah le comment il s'appelle, Sébastien Shaw par exemple, il avait sa tête à la fin. Est-ce que c'est pas un peu irrespectueux en sa mémoire de remplacer par quelqu'un d'autre qui a joué le rôle 20 ans, 30 ans plus tard? Et que ça apporte pas vraiment grand chose à l'histoire. Tous les artistes qui bossaient sur des trucs à l'époque, genre tellement de trucs, ok, c'est l'artiste, c'est sa vision à lui, mais aussi le truc c'est que une fois que t'as fait ton film, tu devrais savoir que t'es pas tout seul à l'avoir fait ton film. Ouais, mais je pense qu'il aurait dû commercialiser les deux versions, Je pense que c'est plus honnête. Et c'est ça le problème avec les remasters de jeux. C'est-à-dire qu'après, ils arrêtent la production de l'original et tout ça. C'est souvent des productions qui sont arrêtées depuis longtemps. Hein. Exactement. C'est pour ça que les gens adorent Good Old Games. Hein. C'est parce qu'ils peuvent avoir le produit original de base. Parce que sinon, c'est retiré. Quoi. Non, mais je trouve que c'est hyper irrespectueux d'effacer... dans le cas de Lucas, il a vraiment essayé d'effacer des gens qui étaient passés avant, qui avaient fait partie du projet au départ. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse. C'est ce que je disais, il était pas tout seul à faire ces trucs. Donc ok, d'accord, tu veux changer ton film entre guillemets parce que c'est la vision d'artiste, mais en même temps les autres qui ont bossé sur le film qui ont fait tout ça avec toi, ils vont se faire foutre, c'est ça? Ok. Maddy, t'as ton sujet pour la prochaine fois. Parce que je trouve que c'est un débat intéressant et surtout dans Star Wars, c'est un cas vraiment spécial parce que c'est en plus les changements, c'est pas forcément utile. Quand c'est rajouter des trucs, je dirais, genre tu rajoutes une scène et tout, c'est stupide. Mais au moins, t'es pas en train d'effacer les trucs qui ont été faits par d'autres gens. Voilà. Je sais pas si... Mais j'ai le même problème. Alors, c'est peut-être un peu cucune à part. Mais tu vois, vas-y. Les acteurs qui se font couper leur scène dans les films ou des trucs comme ça, ça me met tellement mal. Genre... Ouais, ouais. Ah ouais, mais ça fait partie du ça fait du partie du truc, aussi. Tu vois. Mais je me dis, t'es content, tu fais partie d'un projet, en fait, t'es pas dedans. Ouais. Ah ouais, c'est trop drôle. La dernière fois, je voyais une interview de Barry Keoghan qui faisait... Qui parlait de jouer le Joker dans The Batman, mais genre il a deux scènes et il y en a la principale, elle a été coupée complètement du film. C'est genre ok, bon du coup t'es content d'avoir participé au truc, ça fait chelou. Bah, tu vois, mais le mec, il va revenir après, mais tu vois, t'es dans un film tout seul. T'es... En plus, tu vois, bah, en fait, c'est parce que maintenant que je sais comment ça marche avec Tuki et tout, je me dis, tu t'investis personnellement. Alors après, t'es payé, ah ouais, j'ai envie de te dire, mais tu t'investis personnellement, tu viens, parfois t'as des horaires de merde, des conditions de merde, et au final, t'es pas dedans. Ouais, absolument. Alors, je veux pas parler pour les gens qui font un métier que je ne fais pas, mais à leur place, j'aurais vraiment beaucoup le seum. Moi, ça dépend des projets, tu vois. Surtout quand t'es pas un grand nom, aussi. Ouais. Genre, imagine, c'est ton big break, et puis... Ouais, là, c'est triste. Bon, bah. Genre, vraiment, c'est... Alors... Encore une fois, c'est cucu à praline, mais je trouve que c'est pas très respectueux pour les travailleurs. Ouais, si l'industrie était respectueuse pour les travailleurs, ça se saurait. Mais tu vois, avant, t'avais tout, tu sais, dans les... Quand ça sortait en physique, alors pas sur les cassettes, mais sur les DVD, souvent, ils mettaient toutes les scènes coupées dans... Ouais. Dans le making-of, ça existe plus, ça. Non, je sais pas. Ça existe, même parfois sur les plateformes de streaming, ouais, des fois. Mais ça dépend des projets. Oui, ça dépend des projets, mais c'est plus autant. Ouais. Comment dire, avant, généralisé qu'avant. C'est totalement vrai. Bah, toujours est-il que, à titre d'exemple, et pour faire le provocateur. Je trouve que les remakes live de films Disney sont artistiquement beaucoup plus intéressants que les remakes qu'on a de jeux vidéo qui sont juste mal foutus. Voilà. Parce que c'est bien souvent des projets complètement différents qui sont certes très moyens, pour pas dire mauvais, mais qui ont le mérite d'être... de raconter l'histoire différemment, quoi. Toi, tu dis ça parce que t'aimes pas le Roi Lion de base, toi. Non, mais c'est même pas que, je pensais même pas que le Roi Lion... Tu vois, je pensais à Maleficent, je pensais à... Ouais, mais alors, c'est pas un remake. Oui, c'est pas un remake, c'est vrai, t'as raison. C'est... Mais je pensais à... Attends. Par contre, Maléfique, je suis d'accord avec toi. Alors, je trouve même... Alors, La Belle au Bois Dormant, le film d'animation... C'est magnifique d'un point de vue d'animation. Ouais, mais c'est mid. Hein. Ouais, c'est mid. L'histoire est vraiment mid, quoi. Ouais, bah, en vrai, il n'y avait presque pas d'histoire hein, dans... Ouais, c'est... Non, la Belle au Bois Dormant. Ça tient littéralement sur un post-it. Sur trois post-it, hein. Et puis... là où Maléfique, c'est vraiment intéressant. Quoi. Non, mais... Y a une histoire, pour le coup. Voilà. Prenez Dumbo, par exemple. Dumbo, non. C'est... Enfin, le film de Tim Burton est pas très bon, hein. Mais au moins c'est vachement différent du film de base et ça a une approche différente et c'est pas la même histoire du tout, pas du tout du tout. Oui, en fait le truc qui est embêtant pour ces trucs là, je trouve, c'est que la plupart du temps quand c'est des trucs comment dire, ça fait chelou parce que avoir différents films qui se basent sur la même histoire, c'est pas un truc nouveau. Mais c'est bizarre quand c'est la même compagnie qui les fait. C'est ça, ouais. Bah, tu vois ce que je veux dire. Bah, y a un petit côté... c'est, bah, enfin, en plus, c'est Disney, donc tu vois surtout l'aspect pécunier derrière. Mais... Mais tu vois... Alors, je suis d'accord avec toi, Dumbo, c'est différent... Maléfique, c'est différent, mais le Roi Lion. Ouais, mais c'est peut-être le moins bon. C'est le hein. Même film. Ouais, c'est le même film. Alors, le casting n'est pas pareil, mais effectivement, c'est peut-être celui qui change le moins. Et même Aladdin changeait un peu. Je veux dire, Jasmine a beaucoup plus d'importance dans le remake live d'Aladdin. Aladdin. De quoi ? Mais Aladdin, c'est une histoire qui existait avant Disney, en fait. Tu vois pas ? Non, bien sûr, mais je parle du remake Disney. Non, mais là, ils ont réadapter leur version. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, Peter Pan et Wendy, par exemple, moi j'ai vraiment bien aimé ce film. Je trouve qu'il est mieux que le film original. Pourtant, j'aime bien Peter Pan. Alors, en même temps, le film original est vraiment chier. Ouais, c'est. Enfin, moi je déteste pas parce que. J'aime bien, je sais pas pourquoi j'aime bien. Mais le remake est vraiment mieux, quoi. Enfin, après, David Lowery, il sait faire des films. Mais je trouve qu'il marche bien. J'ai pas vu Little Mermaid. J'ai très envie de le voir. Mais ouais. Tu vois, ça aussi, c'est un conte à la base qui ouais. est ouais. en dehors de Disney lui-même. C'est ça qui me gêne, en fait, avec leur truc, c'est qu'ils pourraient refaire des nouvelles versions, en fait. Mais oui. En bien live sûr. Action. Mais ouais. ce qui est bizarre, c'est qu'ils présentent ça comme des remakes de leurs propres films, et c'est, bah, ouais. c'est pas la bonne approche à avoir, en vrai. Même, je veux dire, tu peux prendre des éléments et tout, genre, oui, évidemment, tout le monde adorait le génie dans Aladdin, c'est le best. Donc tu peux faire une nouvelle adaptation, et tu reprends cet élément-là, et puis après, ils ont chié dans la colle avec. En vrai, j'ai pas oui. j'ai vu aucun remake, à part Maléfique. Mais Maléfique, c'est pas un remake, c'est un préquel, et ça aussi, par exemple, je regarderai jamais, mais Mufasa, le film, ça a plus de raison d'être ouais. okay. Que le remake. C'est vraiment trop bien. Ah bah ça, voilà, je suis d'accord. Ça regardez Mufasa, c'est vraiment, vraiment trop bien. Non, bah, je ne regarderai pas. ça m'intéresse pas. C'est mais. Pareil, toi, tu parlais de David Lowery, son Peter Elliot, il est tellement mieux que le film de Paz. J'ai pas vu, ça a l'air d'être bien. Mais il est trop, trop bien. Le film, il est hyper touchant, il a vraiment une ambiance particulière. Les acteurs sont bien. Vraiment, enfin, je me rappelle avoir vu le film original quand j'étais petit. Je l'avais trouvé à chier. Ah ouais. Mais là, Peter Elliot, là, je l'avais vu au ciné et j'avais pleuré devant. Tu vois, c'était vraiment super touchant et tout. Le dragon, il fait peur. Dans le dessin, le version dessin animé ou la version dans la version live action. Il me fait peur. Bon, non, il est trop mimi. Après, on dirait un psychopathe hein, dans la version dessin animé. Ah oui, par contre. Non, c'est pas vraiment un dessin animé en plus, il me semble. Oui, c'est un mélange. C'est comme Mary Poppins, c'est un mélange de. Moi, je l'ai vu, j'ai aucun souvenir du. Je me souviens qu'à un moment, il y a un phare ou un truc comme ça. Oui. Mais je me souviens pas. Je sais plus. Mais voilà. C'est pareil, j'avais été. Le livre de la jungle, tu vois, c'est. C'est grosso modo la même histoire, mais en étendue. Et le côté comique, tu te le carres au cul. Mais. Après, c'est tragique, hein, l'histoire de Mowgli. Hein. Ah ouais, mais bah, t'as plus ce côté-là dans le live action. Mais alors après, quand je repense au moment où il est sorti, c'était un peu vitrine technique le film. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est. Bah, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est un peu passé de mode les films. Quasiment que en numérique. Bon, tu déconnes ou quoi? Ils continuent de parler de Avatar pour 70 prochaines oui. années. Oui. Non mais Avatar, c'est Avatar. Avatar et les live action Disney, c'est le seul truc qui reste. Tu vois, c'est. Ouais. Et les live action. Le truc, c'est que j'avais pas vu, mais Lilo et Stitch, il a fait 1 milliard. Ça me rend fou. Ah ouais. Ah ouais, c'est le plus gros film de l'année, je crois. Hein. Vous aviez raison hein, quand vous disiez que Stitch, c'est trop drôle parce que je sais pas si on en avait parlé. Si, on en avait parlé. C'est vous qui m'aviez dit. Moi, je disais, bon, c'est pas connu ou je sais plus quoi que ça, Lilo et Stitch, et vous disiez mais non, mais il y a des Stitch, il est partout tout le temps depuis 20 ans. Et depuis que vous avez dit ça, je vois tout le temps Stitch partout. Mais oui. Mais c'est donc c'était 100% c'est vraiment c'est les mignons pour les millennials quoi, c'est vraiment Ouais, mais sauf que les mignons c'est con comme la lune. Au moins Lilo et Stitch c'est un vrai c'est film. Con. Mais oui, non, c'est un vrai non. film, mais c'est pas c'est con. Un vrai film. Oh ah non. En vrai, Stitch c'est con. Stitch c'est un personnage un peu couillon, un peu. Moi, j'aime pas ce perso, vraiment. Autant Lilo, je la trouve trop mignonne. Autant Stitch, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais aimé Stitch. Voilà. Ah bah c'est sûr que vraiment, si tu fais un ranking, je préfère Lilo à Stitch. Oui. Ouais. Mais dire Stitch, c'est comme un mignon. Il est fou lui. non mais ce que je veux dire par là c'est qu'en gros c'est vraiment le truc qu'on voit partout tout le temps et C'est marrant parce que du coup, là, en allant à Disneyland, je l'ai vu et il est vraiment partout. Mais partout, partout, partout. Bah oui. Mais en même temps, il y avait le projet de... Enfin, comme Disney, ils avaient peur de perdre l'IP sur Mickey. L'IP sur Mickey. L'IP sur Mickey. Ils ont voulu essayer d'emmener une nouvelle mascotte. Et la nouvelle mascotte, c'est, eh ben oui, c'est Stitch. Et ça marche bien, hein, parce que je suis prêt à parier qu'il y ait plus de peluches Stitch que de peluches Mickey qui sont vendues chaque année maintenant. Ah bah oui, complètement. Ouais. Non, bah ça dépend. S'ils sortaient plus souvent des Kingdom Hearts... Bah putain, voilà. Non mais c'est vrai, il faut dire ce qu'il est. Ils en font rien de Mickey, ces connards. Ils font des séries pour les jeunes, mais... Elle était jolie d'ailleurs. Elle est jolie et elle est super drôle aussi. Ouais, ça a l'air sympa. Parce qu'elle est clairement pas faite pour les enfants. Mais c'est pareil, tu vois, DuckTales, c'était fait alors pour les enfants, mais ça visait surtout les gens qui avaient vu la série originale, quoi. D'ailleurs, le remake est tellement mieux que la série originale. Ouais, mais c'était il y a 40 ans, bientôt, 30 ans, mais... Ouais. DuckTales, attends, c'était quand? Genre les années 80 ou 90? Ah, attends, je vais regarder. DuckTales. Il y avait un film en 90. 87. Donc bientôt 40 ans. Putain, c'est vieux. Bientôt 40 ans. C'est méga. Dans deux ans, tu vois. Hey, j'ai dit ça au pif, mais. Ouais, du coup, ouais, les enfants, quand ils regardaient DuckTales, arrivaient à la fin, ils se disaient « Hey, il y a une autre série DuckTales, est-ce qu'on peut regarder ?» Non. Je veux pas tenter ça à 40 ans. Non. Mais même un film d'aventure de DuckTales, comment ça s'appelait, et le génie de la lampe ou un truc comme ça. Ouais. J'ai regardé les deux premières minutes, c'est rempli de clichés racistes et tout. Et fait, bon, on va pas regarder. Hein. Ah oui.